histoire se passe dans le fond de mes souvenirs. Une idée sage, portée par l'ombre des nuages, un esprit dans lequel mes vieux songes de l'avenir. Rappelle un soir d'été et de brouillard, elle était pauvre et jeune, toute seule marchait, sans pour autant la tête relevée, victime du temps et de ce maudit passé. Jeune délinquante et très vite abusée, seule avec son fils dans un 20 mètres carrés. Elle céda au vice pour gagner sa monnaie, vite rattrapée par la police qui guettait. Elle jeta sans risque le sachet qu'elle avait, pourvu d'innocence avec un brin de fierté. Un coup de pétard c'était la chevauchée, se mêlant de balles la belle brume descendait. Trop jeune pour mourir, tu dois vivre et ramper. Ses larmes semblent effacées, son corps reste offensé. Son âme s'est envolée, appauvrie, meurtrie, le silence est bien gardé. Ses larmes semblent effacées, son corps reste offensé. Son âme s'est envolée, appauvrie, meurtrie, le silence est bien gardé. Elle, si fière, yeux aux larmes, au goût amer des fils, son existence pour la joie de tous ses propres frères dignes. Sur elle, respect pour elle-même, seule l'ignorance peut combattre toutes ces vipères. Celle de la nuit qui se faufile dans son lit à petit prix, quelquefois c'était gratuit, pratiquant tout genre avec toujours le moindre effort, du corps à corps sans réconfort, qui réconforte dans le ciel, monte et merveille. Des milliers d'étoiles lui rappellent sa terre maternelle, son soleil, son fils, sa perle, se brise, se casse comme un vieux peau de terre, collé par la cam, la face au vent, la rage dans le cœur battant, pour une poignée d'argent, sort par tous les temps, toutes les heures, à tout moment, quand il est temps, quand sa vie en dépend. Elle ramassait tous les journaux de ce quartier pour y trouver des boulots mal payés. Elle n'a aucun remords sur sa vie comme sur son sort, la passion de la vie ne vaut pas de tels efforts. Ses larmes semblent effacées, son corps reste offensé. Son âme s'est envolée, appauvrie, meurtrie, le silence est bien gardé. Ses larmes semblent effacées, son corps reste offensé. Son âme s'est envolée, appauvrie, meurtrie, le silence est bien gardé. Fait d'hiver, en plein été, une jeune femme s'est faite poignarder dans la rue où elle était née, pour une raison encore non déterminée. Une vérité vite classée, dossier rangé, crime bouclé, simple moralité. Défilé de cet ange, escorté par la voix des songes, l'âme emportée par ses ombres, le regard vers cette fosse. Des gouttes qui tombent sur ce marbre si sombre, laisse un coup monotone à cette histoire si frappante. Montée en puissance, c'est bientôt l'effervescence, une douche de violence comme bain de jouvence. Ses larmes semblent effacées, son corps est offensé. Son âme s'est envolée, appauvrie, meurtrie, le silence est bien gardé. Ses larmes semblent effacées, son corps reste offensé. Son âme s'est envolée, appauvrie, meurtrie, le silence est bien gardé.